costard, la cravate, la sortie d'uniforme. Sourire qui claque d'ac, poignée de main pour la forme. Petite sortie dans le monde pour faire prendre l'air à madame. Mais le sourire de fausse blonde est toujours au programme. Tu te déguises en monsieur, tu te fais ton cinéma sérieux. Tu te déguises en monsieur, tu te fais ton cinéma sérieux. La paupière qui titille, le blue jean accrocheur. La lèvre qui déshabille, les bottes jusqu'au cœur. Le look est pré-réglé depuis samedi dernier. La nana repérée, et y'a plus qu'à embarquer. Tu te déguises en macho, tu te fais ton cinéma porno. Macho, tu te fais ton cinéma porno. Carnet, chèque et stylo, des femmes nues et qu'elles dansent. Du champagne à gogo, on n'est pas en vacances. Puisqu'il faut se montrer digne, mais légèrement souffle. Autant de balaisiner avec ses pouces cailloux. Tu te déguises en otage, tu te fais ton cinéma soldat. Tu te déguises en otage, tu te fais ton cinéma soldat. De guitare sur un rythme bateau, juste pour dire qu'il y en a marre des joueurs de pipeau. On n'est pas là pour rester, faut s'éclater avant, pouvoir éclabousser jusqu'après l'océan. Stick ici en artiste, qui plus le cinéma triste. Tu te déguises en monsieur, pour faire ton cinéma sérieux. Tu te déguises en macho, pour faire ton cinéma porno. Tu te déguises en otage, pour faire ton cinéma sortable. Déguise-toi en artiste, pour qu'il plus de cinéma triste.